Vous écoutez un futur simple sur CKRL au 89.1 et nous allons finir comme on l'a commencé avec un plongeon dans le passé. François, tu nous racontes cette histoire étrange, quand même assez surprenante, de virus géants qui ont été découverts dans le sol gelé de la Sibérie. Oui, alors dans les sols gelés, il y a des virus préhistoriques inconnus qui sont prêts à s'éveiller. Alors des chercheurs français ont réussi à réveiller un virus endormi depuis plus de 30 000 ans. Il gisait par 30 mètres de profondeur dans le pergélisol en Sibérie. Alors pour vous donner un repère dans le temps, ce virus était contemporain de l'extinction de l'homme de Néandertal. De plus, il s'agit d'un virus énorme, c'est-à-dire 1,5 micron de long par 0,5 micron de diamètre. Alors c'est le plus gros virus jamais observé et aussi le plus ancien que l'on ait ressuscité. Ressuscité. Oui, effectivement. Donc, on l'a baptisé le Pitovirus Sibericum puisque c'était en Sibérie. Ouais. On comprend la raison qu'on a fait. Et comment les chercheurs ont-ils réussi à le réveiller? Mais après l'avoir décongelé, ils l'ont simplement mis en présence d'une amibe et le virus l'a immédiatement infecté. Oui, parce qu'on sait que les virus, finalement, pour vivre, ça a besoin de coloniser un autre organisme. Oui, là, donc effectivement. Il s'est contenté de l'amibe. Bon. Effectivement, oui, parce qu'une bactérie, c'est suffisant. Ouais. Alors, l'été dernier, les mêmes chercheurs avaient découvert deux autres virus gérants, des virus géants, c'est-à-dire des pandoravirus. Alors, comme le pitovirus avait la même forme ovale, les chercheurs ont pensé tout d'abord qu'ils venaient de découvrir un autre pandoravirus. Mm-hmm. Mais après l'analyse du génome du virus, ils ont constaté qu'il s'agissait d'un nouveau type de virus. Alors, ça portait à 3 le nombre de familles de virus géants mm-hmm. connus à ce jour. Et est-ce que la taille de ces virus a été un élément qui a contribué au fait que, jusqu'à présent, ils avaient mal été identifiés? En fait, les virus sont assez mal connus. Jusqu'à tout récemment, les virologues pensaient qu'ils étaient petits. Donc, les plus gros, ils ont réussi à passer finalement au travers des mailles des filets de la virologie. Ouais. Par exemple, il y a une dizaine d'années, un représentant actuel de la famille des pitovirus n'a pas été identifié comme un virus en raison de sa grande taille, ouais. même s'il y avait toutes les autres caractéristiques des pitovirus. C'est ça, on s'attend à voir un petit truc, alors que là, c'est trop gros, puis on l'écarte. On l'écarte d'emblée. Ouais. Effectivement. C'est curieux, ouais. Et puis, est-ce que ces virus endormis sous la glace constituent en fait une menace pour l'humanité? Les scientifiques pensaient que le nombre de gènes présents dans le virus était proportionnel à la taille du virus. Or, le pitovirus sibericum, qui est plus imposant que les représentants connus de la famille des pandoravirus, possède un patrimoine génétique nettement moins bien fourni. Uh-huh. Environ 500 gènes contre 2500 gènes chez les pandoravirus. On croyait également que le nombre élevé de gènes était associé à une plus grande autonomie. Or, on observe que le pitovirus, qui est plutôt pauvre génétiquement, est capable de se multiplier sans entrer dans le noyau de la cellule. En fait, l'accès au cytoplasme est suffisant pour lui. Uh-huh. Par contre, les pandoravirus, qui sont mieux pourvus génétiquement, eux, ils ont besoin du noyau pour se reproduire. C'est contre-intuitif, on aurait pu penser le contraire. Donc, oui? En fait, oui, j'ai peut-être été un peu trop vite avec ma question. Là. Mais donc, ça nous apporte des nouvelles connaissances Sur les virus, effectivement. Sur le patrimoine génétique des virus et sur leur façon de parasiter leur hôte, finalement. Et ça casse aussi des préjugés qui existaient sur les connaissances sur les virus, effectivement. Puis donc, j'avais cette question en tête, là. Est-ce que, parce qu'on peut se poser la question, ces vieux virus, la vie a évolué depuis. Uh-huh. Est-ce que ça pourrait être une menace pour l'humanité? Pour ce qui est du pitovirus sibericum, la réponse est non. Évidemment, la première chose que les chercheurs ont fait, ça a été de s'en assurer. Maintenant, pourrait-il encore muter et devenir une menace? C'est très peu probable, car les virus constitués d'ADN, comme lui, sont extrêmement stables, contrairement aux virus constitués d'ARN, comme celui du sida ou celui de la grippe, par exemple, qui, ceux-là, mutent facilement. Alors, les virus constitués d'ADN ont une importante machinerie qui veille à ce que leur ADN reste intact. Par contre, la découverte du pitovirus sibericum suggère que la prospection dans ces zones pourrait comporter certains risques, car on ne sait pas s'il peut y avoir dans En fait, ce qu'on peut retrouver dans les profondeurs. Mm-hmm. Bon, des virus comme la variole, par exemple, à l'origine de maladies considérées comme éradiquées, pourraient très bien s'y retrouver à l'état de dormance. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, les chercheurs pensent qu'avant tout forage, il faudrait d'abord chercher à savoir ce qu'il y a dans ces couches du pergélisol. C'est d'ailleurs ce qu'ils se proposent de faire en recensant l'ADN présent dans les échantillons, afin d'élaborer un catalogue qui, en fait, de tout ce qui se trouve maintenant. Ouais. Et est-ce que cette découverte peut laisser entrevoir une autre forme de vie? L'étude des micro-organismes inconnus, comme le ptovirus ibericum, revêt un intérêt primordial car ils sont susceptibles de nous éclairer sur l'origine de la vie. Aujourd'hui encore, la question fait l'objet de vifs débats au sein de la communauté scientifique. Les virus ne sont pas considérés comme des organismes vivants parce qu'ils sont incapables de se reproduire entre eux ou seuls, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est, finalement? Écoute, Chantal Abergel du groupe de recherche se demande s'ils ne seraient pas les témoins d'une autre forme de vie apparue sur Terre et qui aurait perdu la compétition à l'issue de laquelle l'ancêtre commun à tous les êtres vivants actuels serait sorti vainqueur. Et j'aime bien, en fait, ce qu'elle dit pour terminer. Je vais la citer. Alors, quand on a découvert les pandoravirus et maintenant ce pitovirus, on s'est retrouvé face à quelque chose qu'on ne pouvait pas raccrocher à d'autres virus connus et qu'on ne peut pas non plus raccrocher à l'arbre du vivant. On peut donc parfaitement imaginer qu'à l'origine, il n'y avait non pas un seul ancêtre, mais un foisonnement de vie. Alors, les virus seraient alors des losers de la sélection naturelle qui, en perdant leur autonomie, auraient été contraints de devenir des parasites pour subsister. Une perspective intéressante. oui, je l'aime bien. Oui. Et puis, on va conclure là-dessus parce que le temps nous est compté.